Quelques jours après avoir acheté le portrait de Modigliani du sculpteur russe Léon Hindenbaum, Perlman a eu la chance de rencontrer le modèle qui avait alors la soixantaine. Enchanté de revoir le tableau, Hindenbaum raconta à Perlman l'histoire de sa jeunesse, y compris le fait que Modigliani avait peint le portrait par-dessus une nature morte réalisée par un autre artiste. Une nuit, alors que Modigliani était passablement ivre, il rencontra Hindenbaum dans un café et lui dit qu'il voulait peindre son portrait, à condition qu'Hindenbaum lui fournisse une toile et un chevalet sur lequel travailler. Le matin suivant, Modigliani arriva, requinqué et prêt à se mettre au travail. Dans son atelier, Hindenbaum possédait plusieurs toiles peintes par des artistes contemporains. Après avoir rejeté plusieurs de ces toiles parce qu'il estimait qu'elles étaient trop bonnes pour les gâcher, Modigliani trouva une nature morte qui lui sembla digne d'être sacrifiée.